Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Zikactu, c'est l'été, on change un peu de formule. Et donc pour cet été, je vous propose des émissions un peu particulières sous forme de discussion. Et on commence dès maintenant avec Pierrick qui est venu avec moi donc à RDB, Radio des Boutières. Il est venu de loin pour nous faire découvrir du coup ses exclusivités, ses musiques à lui qu'il apprécie. Bonjour Pierrick, comment vas-tu ? Bonjour, tout va bien, j'ai passé les grands virages des nonnières pour arriver jusqu'à vous. Bravo, quel courage, quelle témérité. Enchanté. Et du coup tu vas nous faire découvrir un peu tes morceaux. Moi je voulais que ces émissions soient sous forme de discussion en fait, un peu comme une discussion de fin de soirée où on se fait découvrir ce groupe tu connais, et on se passait dans les années 90 on se passait des CD, dans les années 70 on se passait des vinyles, et maintenant on a Deezer ou Spotify pour faire ça. Et je sais que c'est vrai que ça marche encore mieux avec Deezer et Spotify. Personnellement j'ai passé beaucoup de temps à faire ça dans le temps où c'était gratuit. Maintenant on est obligé de payer, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Et donc on commence tout de suite avec un morceau que tu as choisi, c'est quoi exactement ? Alors je vais vous présenter un morceau d'un groupe français qui s'appelle Uplose. En fait le chanteur est parisien et les musiciens sont belges. Et on va commencer par le nouvel OP qu'ils ont sorti qui s'appelle Acids. Et la chanson qui s'appelle Wasted Town. Yeah. super morceau de Plows, Wasted Town. C'est super classe, ça te prend un peu un nouveau tournant, non, Plows, là? Bah, ils sont passés sur une période plus électro, je pense. Et en tout cas, le premier album avait toutes les chansons assez différentes. Ils ont essayé, je pense, d'explorer plusieurs thèmes, en passant par l'électro, de la folk. Voilà, et puis sur le deuxième EP, en tout cas, sur ce qu'ils annoncent, ça va s'annoncer plutôt électro, oui. C'est chouette, ouais, moi j'aime bien. Le premier album était vraiment excellent. Du coup, bah, je peux pas m'empêcher de passer un morceau vraiment qui colle aux dents, comme on dit, c'est-à-dire qui reste dans la tête. Et moi, je le trouve assez exceptionnel, ce morceau. Ça s'appelle Hope You're Better, c'est sur le premier album. Et donc, j'utilise mon joker. Voilà, j'instaure une nouvelle règle dans ces émissions. On a le droit de passer deux fois le même groupe, une seule fois dans l'émission. Donc moi, ça y est, c'est grillé, c'est déjà fait. C'est Upload, c'est Hope You're Better. But the weather, everything's fine. I hope you're better than to be alright. Though we had storms together, things we have won forever. About the romance of our sorrow, about the circle of tomorrow's promises for my shadow, loneliness for my to be just fine. Out of context, we'd be strangers, making plans for our own lives, raising hands for the same rights. But I wonder every time it rains, is this the only way to feel the same? Why is our love collapsing? C'était Upload avec Hope You're Better, issu de leur premier album qui s'appelle, je sais plus. Where It All Began. Voilà. Et donc je vais vous passer un morceau qui pour moi a un petit peu un lien, dans le sens où ce sont des groupes qui varient entre des morceaux très électro, un peu énervés, et puis qui passent tout un coup à des morceaux beaucoup plus calmes, plus folk. Et je vais vous faire écouter une chanson qui est issue de l'album The Fall de Gorillaz, qui est vraiment pas connu, mais qui est un album que Damon Albarn, donc le compositeur, a créé uniquement avec un iPad lors de leur dernière tournée pour leur dernier album. L'idée, c'est de faire un album beaucoup plus intimiste, qui est vraiment fait sur le coup, dans des chambres d'hôtel. Donc la chanson s'appelle Revolving Doors, et c'est l'album The Fall de Gorillaz. C'était donc Gorillaz dans l'album The Fall. C'est vrai que c'est un morceau chouette. On retrouve bien encore le côté répétitif, un peu hypnotique de Gorillaz. Et tu disais donc que c'était un album qui était sorti en même temps que leur troisième album ? Alors, il me semble que c'est pendant la tournée du dernier album, qui a été fait avec plein de duos dont j'ai oublié le nom. En fait, chaque album Gorillaz, ils ont sorti un album parallèle, soit sous forme de remix, soit sous forme de morceaux qu'ils n'ont pas sortis parce qu'ils étaient plus expérimentaux, parce que simplement ils n'avaient pas pu le rentrer dans leurs albums qui étaient très chargés déjà. Des sortes de phase B alors. Exactement, donc il y a B-side, je crois, et G-side. Et pour le dernier album, il y a celui-ci qui s'appelle The Fall. D'accord, bah très bien, c'est une belle découverte. On est toujours sur Zik Actu, vous êtes toujours sur RDB, Radio des Boutières, et donc je vous rappelle le concept de l'émission, c'est voilà, sous forme de discussion, de se faire découvrir des disques. N'hésitez pas à participer quand même sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDB, mais voilà, cette émission n'est pas faite en direct, contrairement aux autres, donc si je vous réponds pas en direct, c'est tout simplement que je suis peut-être en vacances, peut-être en train de faire un concert d'ailleurs, donc je suis pas disponible, c'est pour ça qu'on enregistre les émissions à l'avance. En parlant de ça d'ailleurs, cette émission sera donc diffusée le 22 juillet, nous sommes donc le 22 juillet pour vous, et dans deux semaines l'émission sera aussi une rediffusion, et donc je vous invite le 5 août à venir du côté de Saint-Jean-Chambre pour voir notamment Blake en concert pour les apéros jardinatoires, voilà, au lieu dit La Source. Mais je reviens tout de suite dans le vif du sujet. Bon, je joue encore un peu la facilité, mais c'est pas le même groupe. Gorillaz, le leader s'appelle Damon Albarn, et Damon Albarn vient de sortir un album solo. On en a parlé un peu dans le premier Zik Actu, si vous suivez un peu l'émission ou si vous écoutez les podcasts, vous avez dû passer par là. Donc on avait passé du Gorillaz, du Blur, et on avait passé un morceau de son dernier album, et du coup j'en profite pour passer un autre morceau de Damon Albarn, un morceau beaucoup plus léger, qui du coup nous fera peut-être passer à des choses plus légères, nous allons voir. C'est Mr. Tembo de Damon Albarn sur son album Everyday Robots. In Chile, I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the co-op role to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Slide the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a help. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football, pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. He won't need Et c'était Mr. Tembo de Damon Albarn, issu de son dernier album. Et il faut que j'arrête de dire issu de. Si tu ne notes pas, peut-être que personne ne verra rien. Mais là, du coup, d'accord. C'est grave. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de ces concerts aussi qui valent vraiment le coup. Tu l'as vu donc dernièrement ? Donc, je l'ai vu dernièrement aux Nuits de Fourvière. Et j'avais un petit peu peur en voyant le personnage dans des interviews et à la radio que le concert soit vraiment un peu mou et un petit peu proche de ce qu'on écoute en album. Et en fait, c'était tout le contraire et vraiment, vraiment très savant, quoi. Un concert avec plein de choses qui se passent, des retours sur Blur, des retours sur Gorillaz, des passages plus folk, beaucoup plus électro en concert. Donc si vous avez l'occasion de le voir un jour, je pense que c'est vraiment une grosse opportunité. Mais c'est quand même un showman, même du temps de Blur, même... Bon, Gorillaz, il était peut-être un peu plus effacé, parce qu'il était vraiment... C'était lui qui contrôlait tout, mais un peu derrière. Mais Blur, ça a toujours été assez explosif, hein, même en concert. Ouais, ouais, exactement. Après, il y a peut-être une vingtaine d'années qui sont passées entre les deux. Il est toujours là. Il est toujours en forme, d'accord. Et donc, toi, Damon Albarn, Mr. Tembo, ça t'évoque quoi ? Alors moi, Mr. Tembo, c'est vrai que c'est une des chansons de l'album qui nous fait prendre conscience qu'en fait, il n'est pas si déprimé que ça. Et j'ai envie de vous faire écouter une musique qui est vraiment très joyeuse et qui récupère aussi un petit peu du ukulélé et puis une ambiance sympathique. Le groupe s'appelle We Were Evergreen et la chanson que je vais vous passer vient du premier EP qui s'appelle Leeway et elle s'appelle Modern Age. Ok, on écoute tout de suite. Pretend that I'm not the one who pretended. C'était We Were Evergreen avec Modern Age. Et je connais pas du tout ce groupe en fait. Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Je sais pas du tout. Je sais pas où j'ai entendu ça, mais j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai découvert là, il y a pas longtemps, qu'ils ont sorti un nouvel album qui est très très bien. Qui est pas toujours aussi joyeux que l'EP qui donnait vraiment, vraiment envie d'être de bonne humeur le matin. D'accord. Et vous avez pu peut-être entendre une de leurs chansons dans une pub, je sais plus laquelle. We Were Evergreen, attends, quand même, c'est un groupe qui vient d'où exactement? J'ai pas tout compris, je crois que au moins il y a une fille dans le groupe qui est française, après je sais pas trop si les autres sont français non plus. D'accord, bah écoute, c'est une belle découverte, merci bien. Donc moi, ça me fait penser un peu à Architecture in Helsinki. Alors, faut pas se tromper. Si je dis pas de bêtises, ça c'est un groupe australien. Ouais, c'est ça. Et alors moi, je confonds toujours avec I'm From Barcelona, qui est un groupe suédois ou finlandais. Je crois que ils sont suédois. Et l'histoire du nom d'Architecture in Helsinki, je crois que c'est assez pathétique. Ils ont cherché dans un dictionnaire, dans trois pages, un mot au hasard, et voilà, c'était ça. Alors attends, Architecture in Helsinki, là tu parles, donc ils voilà, sont pas exactement. Suédois, ils sont australiens. Exactement, ils sont australiens. Voilà, et Helsinki, c'est en Finlande. Bon, après cette courte leçon de géographie foireuse, on écoute Architecture in Helsinki, That Beep, et je vous conseille le clip, il est complètement démentiel. Can you wake up? Boy, it ain't long till the warning arrives. And it's the shake-up that's got me waiting for your dynamite. I never knew me the name, no need to play that game. I called your doctor up and he promised me pay more fun. Tried a little bit of moving on, it lasted way too long. Tissue, let's run, can you give me that? Don't be long, dressed up Attention, Architecture in Helsinki, un groupe vraiment avec beaucoup de pistes expérimentales et cette chanson qui donne vraiment le sourire. On va passer encore un peu plus expérimental avec un groupe qui s'appelle Diroof. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est deux Américains et une Japonaise, donc ils doivent être plutôt dans le coin des États-Unis. Je crois aussi. Voilà, donc c'est un groupe qui est capable de passer sur une chanson, peut-être trois thèmes différents de musique différente de tous les coins du monde. Et donc on va écouter une chanson qui s'appelle Must Fight Current, qui vient de l'album Diroof vs Evil. C'est Diroof contre le mal. Pas une défaillance de votre autoradio. C'était donc Diroof, un groupe américain, un trio, avec du coup, en effet, alors, les membres, que je dise pas de bêtises, donc c'est bien. Donc, ils sont plus en trio, a priori, ils sont en quatuor maintenant. Mais donc, avec Satomi Matsuzaki au chant, et donc entouré de guitare, d'un guitariste et d'un batteur. Voilà, moi ce genre de trio, ce trio me fait vraiment penser à un autre groupe qui s'appelle Blonde Redhead, que je trouve vraiment exceptionnel, avec au centre une chanteuse qui fait aussi de la guitare et du piano qui s'appelle Kazu Makino, et entourée aussi de deux gars, un batteur et un guitariste-chanteur, avec du coup cette même tendance à faire des morceaux à deux voix, que moi j'apprécie beaucoup, qu'on trouvait aussi chez Sonic Youth, et donc ce groupe s'appelle Blonde Redhead. Je vous passe un album qui date déjà un peu, qui date de 2004, qui s'appelle Misery is a Butterfly. Et je vais vous passer le titre éponyme parce que c'est un super beau morceau. Misery is a Butterfly de Blonde Redhead. Vu que c'est mon tour, je vais essayer de continuer dans les obscures différences entre des très aigus et des très graves, en passant sur quelqu'un qui s'appelle Bobby Womack, donc on refait le lien avec les premières chansons qu'on vous a fait écouter, avec Damon Albarn du groupe Blur et Gorillaz. Donc Bobby Womack avait fait une chanson avec Gorillaz, qui s'appelait Stylo, et Damon Albarn a décidé ensuite de, donc je crois qu'on est vraiment fan, hein. Je crois qu'on peut le dire, parle tout le temps. On a arrêté peut-être, mais il a collaboré donc avec Bobby Womack en lui produisant un album, et il a fait une super chanson avec Lana Del Rey, qui elle va essayer de monter très très très très aigu. Vous verrez que c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que Damon Albarn, c'est vraiment, on en parle beaucoup, mais il a fait tellement de choses. Il y a même un opéra japonais complètement barré qui s'appelle Monkey, qui est incroyable. Et je sais pas, c'est un opéra anglais, Dr. D. Si, c'est lui tout seul aussi. C'est lui aussi. Enfin, il est capable de faire tellement de choses. Il a bossé avec des musiciens cubains, des musiciens africains. À mon avis, c'est un boulimique de travail et de rencontres et de musique. Et vraiment, du coup, ça donne des choses incroyables. Donc, n'hésitez pas à vous pencher. C'est la dernière fois qu'on le dit. N'hésitez pas à vous pencher sur le parcours de Damon Albarn. C'est vraiment un grand nom de la pop. Voilà. Donc, le titre s'appelle Day Glow Reflection, Bobby Womack. As a singer grows older, his conception grows a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. Changing hues. C'était Bobby Womack avec Day Glow Reflection, donc un featuring avec Lana Del Rey. Du coup, moi j'ai envie de vous passer du Lana Del Rey, mais Lana Del Rey avant que ça devienne une starlette internationale, donc quand c'était une petite chanteuse du Nevada. Et donc elle a fait un album qui est jamais vraiment sorti ou qui est absolument pas trouvable, mais dans lequel il y a une chanson qui s'appelle Pawn Shop Blues et qui est vraiment d'une toute autre ambiance par rapport à ce qu'on connaît de Lana Del Rey. Je trouve que c'est vraiment différent. C'est un beau morceau, un morceau folk, un morceau simple qui est assez touchant. On l'écoute tout de suite. Come to this by. That's what happens when you're on your own and you're alright with letting nice things go. Well, I pawned the earrings that you gave me. I saw them all, and I don't mind living on bread and oranges, no, no. But I gotta get to and from where I come. It's gonna take. Shop Blues, donc pas sur les deux albums qui sont sortis, mais voilà, sur un album introuvable, mais on trouve ça sur YouTube par exemple. Du coup, il y a bien deux albums qui sont sortis. Personnellement, j'ai pas écouté le dernier, donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis sur ce qui sort, si vous avez envie d'aller l'écouter et de faire une petite critique sur la page Facebook de l'émission Zik Actu RDV, même quelques mots pour dire ce que vous avez pensé d'un album, d'un morceau, pour poser des liens. Moi, je me fais un plaisir de regarder tout ça et puis éventuellement de passer aussi les découvertes que vous avez faites dans l'émission qui suit. On continue, du coup, on est toujours en direct avec Pyric, donc en direct de RDB pour Zik Actu, pour ce Zik Actu spécial discussion musicale. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Lana Del Rey, finalement, de sa bouche? Lana Del Rey, en fait, je connais pas trop. Je connais juste le duo que je vous ai passé avant avec Bobby Womack. Moi, personnellement, j'ai essayé d'écouter le dernier album qui m'a un peu ennuyé. Mais moi, j'étais quand même content de cette chanson là que tu m'as fait écouter. Et donc, j'ai maintenant une meilleure opinion par rapport à elle. Et je vais essayer de faire un lien avec une autre chanteuse un peu aérienne, comme ça, avec des chansons minimalistes. Une chanteuse qui chante habituellement en anglais, mais qui a créé une petite chanson vraiment sympa en français. Un peu de français, tiens, quelle bonne idée. Un peu de français, et une chanson qui s'appelle « Tout doucement ». Classe Feist en français, c'est un petit côté de Jeanne Birkin, c'est bien chouette. Exactement, et puis l'accent que j'aime beaucoup. Du coup, on va rester un petit peu en France, vu qu'on est parti sur du français quand même, on va finir notre émission en français. Moi j'ai eu peu de temps pour réfléchir, parce que ce morceau faisait 2 minutes 30, et j'ai été un peu aidé, mais on va partir sur Brigitte. Je crois pas que j'ai passé déjà du Brigitte. C'est pas vraiment une composition, c'est une reprise de... Supreme NTM représente. Et donc ce morceau, c'est Ma Benz, une autre chanson d'amour finalement. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue, dingue, dingue. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original Ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve, c'est move up, girl. Ton body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. One comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père, ni à ta mère. mes yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu prends ton bumper ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu prends ton bumper ça me rend dingue dingue dingue. Ouais, vas-y, tu explique-leur. Ça se passe à l'arrière d'une Merco. Benz Benz Benz, ouais. Du côté de Saint-Denis, baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Louvia, on vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en quille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Pompe, baby, monte sur mon scène, Saint-Denis-Fonc. Je te la ferai façon, je t'en. Putain, y'a que ça qui me rend jonque. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais. Ok, ça roule, je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Voilà, Zik Actu touche à sa fin pour cette émission spéciale discussion musicale avec Pyric. Merci, un grand merci d'être venu, d'avoir affronté la montagne et le mal des transports pour venir jusqu'à RDB. Non mais de rien. C'était bien cool, on a découvert plein de trucs. L'avantage, c'est vrai que, bon, alors je m'excuse un peu pour les auditeurs, c'est vrai que c'est pas tellement différent d'habitude, de ce que je passe d'habitude, parce qu'on a un peu les mêmes goûts, étant donné que Pyric est mon frère. Voilà, c'est un scoop. Et qu'on s'est fait découvrir pas mal de choses. Voilà, dans le temps, c'était moi, là maintenant, c'est plutôt lui qui me fait découvrir des choses, et je l'en remercie. Des groupes, des artistes, et voilà, il est à la pointe de la technologie musicale. J'essaye. Du coup, ben voilà, aujourd'hui on a découvert Uplose, on a découvert ou redécouvert, donc ils ont un nouvel EP et on a écouté le premier album, c'est un super groupe français. Alors on est passé aussi par Gorillaz et tout l'univers Damon Albarn, Gorillaz, Bobby Womack, donc si vous cherchez un petit peu, il y a forcément des liens entre ces trois unités. Il y a aussi The Good, The Bad and The Queen aussi dans lequel il participait, si exactement. Je dis pas de bêtises. On a écouté aussi We Were Evergreen et Architecture in Helsinki, des groupes qui font un peu plus danser, un peu plus électro. Encore un lien dans les deux autres groupes suivants, entre D-Roof et Blonde Redhead, qui sont deux trios avec à chaque fois une chanteuse japonaise et donc des univers un peu barrés. Et on a fini un peu plus tranquille avec des chanteuses un peu posées, donc Lana Del Rey, Faced et Brigitte pour finir un peu en français. Voilà, c'était pas une programmation exclusivement tournée vers le français, mais c'est vrai que c'est pas non plus ma spécialité. Donc encore une fois, n'hésitez pas à participer sur la page Facebook et à nous proposer des groupes français, tiens par exemple. Voilà, je vous souhaite encore à toutes et à tous de bonnes vacances. À très bientôt. Et on vous laisse donc avec l'antenne habituelle de RDB. Bonne soirée, à très bientôt. Ciao.